Lady Roxana, préface. L'histoire de cette belle dame porte avec elle son propre témoignage. Si elle n'est pas aussi belle que la dame même est représentée l'être, si elle n'est pas aussi divertissante que le lecteur peut le désirer, ni beaucoup plus qu'il ne peut raisonnablement s'y attendre, et si toutes les parties les plus divertissantes n'en sont pas appropriées à l'instruction et au perfectionnement du lecteur, le narrateur déclare que ce doit être la faute de son récit. Il aura habillé l'histoire de vêtements inférieurs à ceux que la dame dont il rapporte les paroles préparait pour l'offrir au monde. Il prend la liberté de dire que ce récit diffère de la plupart des pièces contemporaines de ce genre, bien que quelques-unes d'entre elles aient rencontré dans le monde un très bon accueil. Je dis qu'il en diffère en un point considérable et essentiel, à savoir qu'il est fondé sur la vérité des faits. De sorte que l'œuvre n'est pas un conte, mais une histoire. La scène est placée si près du lieu où la partie principale de l'action s'est passée, qu'il a été nécessaire de déguiser les noms et les personnages de peur que le souvenir d'événements, qui ne saurait être encore complètement oublié dans ce quartier de la ville, ne soit ravivé et que les faits ne puissent être restitués trop clairement par bon nombre de gens vivant encore aujourd'hui, qui, par les détails, reconnaîtraient les personnages. Il n'est pas toujours nécessaire que les noms des personnages se découvrent et l'histoire peut n'en être pas moins utile de maintes façons. Si nous étions toujours obligés ou de nommer les personnages ou de ne pas faire le récit, il en résulterait cette seule conséquence. C'est que beaucoup d'histoires agréables et charmantes seraient ensevelies dans l'ombre et que le monde serait à la fois privé du plaisir et du profit qu'il y trouve. L'auteur déclare qu'il connaissait particulièrement le premier mari de cette dame, le brasseur, et son père, et aussi ses difficultés d'argent. Et il sait que toute cette première partie du récit est vraie. Ceci peut, il l'espère, être une garantie de la bonne foi du reste, bien que la fin de l'histoire se passe à l'étranger et ne puisse pas être si facilement attestée que le commencement. Cependant, comme c'est la dame elle-même qui l'a raconté, nous avons d'autant moins de motifs de mettre en doute la vérité de cette dernière partie. À la manière dont elle raconte son histoire, il est évident qu'elle n'insiste nulle part pour se justifier. Encore moins offre-t-elle sa conduite, ou même aucun trait de sa conduite, si ce n'est son repentir comme modèle à imiter. Au contraire, elle fait de fréquentes digressions pour censurer et condamner justement ses propres actes. Combien de fois ne s'adresse-t-elle pas les reproches les plus passionnés, nous fournissant des réflexions pleines de justesse pour les cas semblables? Il est vrai qu'elle a trouvé un succès inespéré dans toutes ses fautes, mais même dans la plus grande élévation de sa prospérité, elle reconnaît fréquemment que les plaisirs dus à sa mauvaise conduite ne valaient pas le repentir, et que toutes les satisfactions qu'elle avait, toute sa joie en présence de sa fortune, non, pas même toute l'opulence où elle nageait, ni son éclat extérieur, ni l'appareil et les honneurs qui l'accompagnaient, ne pouvaient calmer son esprit, ni faire taire les reproches de sa conscience, ou lui procurer une heure de sommeil, lorsque de justes réflexions la tenaient éveillée. Les généreuses déductions qui se tirent de cette partie de l'histoire valent autant que tout le reste, et, étant le but avoué de la publication, la justifie pleinement. S'il y a des passages dans ce récit où, étant obligé de rapporter une action mauvaise, on semble la décrire trop clairement, l'auteur déclare qu'on a pris tout le soin imaginable de se garder des indécences et des expressions immodestes. Et l'on espère que vous n'y trouverez rien qui puisse exciter un esprit vicieux, mais que vous y trouverez au contraire, à chaque page, beaucoup pour le décourager et le confondre. Les scènes de crime ne peuvent guère être représentées de manière que quelques-uns n'en fassent un criminel usage. Mais lorsque le vice est peint sous ses viles couleurs, ce n'est pas pour le faire aimer, mais pour l'exposer au mépris. Et si le lecteur fait un mauvais usage d'un tel tableau, la méchanceté lui en appartient tout entière. D'un autre côté, les avantages du présent ouvrage sont si grands et le lecteur vertueux y trouvera l'occasion de tant de perfectionnement que nous ne faisons pas de doute que ce récit, quelque médiocrement raconté qu'il soit, ne pénètre jusqu'à lui dans ses meilleures heures de loisir et ne soit lu avec délices et profits à la fois.